entraînante. Viennent troubler mon jeu. Dans ce noir que hante des grillons violonneux. En cette nuit sonore, je manque d'harmonie. Même la source est muette, le son en est tari. Seul mon esprit perçoit les ongles de l'infini. J'ai beau puiser dans ma mémoire, je me perds dans tous ces sons. Plongé tout nu dans l'océan, ivre de chance et perdu, coulé dans la poussière glaciale d'anciennes chansons. Afin que le brouillard se lève, que je trouve le bon son. Dans le silence arrondi d'une belle nuit d'été, le cerveau embrumé cherchant la nouveauté, laissant dans mes oreilles cette douce harmonie que de jeunes brises emmènent au loin vers l'infini. Des symphonies à jamais effacées. Mille papillons meurent d'avoir pas trop volé. Sur elle sera éternelle cette petite chanson. Si les paroles